Bonjour et merci d'être fidèle à l'histoire en podcast sur les Mérovingiens. Alors, le Concile d'Orange II, qui se tient en juillet 529, est présidé par l'évêque métropolitain Césaire d'Arles, vicaire du pape pour les Gaules, et réuni en présence de 13 autres évêques ainsi que des autorités civiles. Alors, prise par les Francs en 507, la ville d'Orange est reprise ensuite par les Ostrogoths de Théodoric, roi de Ravenne, l'année suivante. Pour punir la population qui avait accueilli Clovis comme le sauveur, le roi Ostrogoth déporte une bonne partie d'entre elles et repeuple la cité avec ses fidèles. En 529, quand se tient en juillet le célèbre concile d'Orange, présidé par l'évêque d'Arles, Orange est une ville secondaire de la Narbonnaise qui se trouve dans la Septimanie wisigothique, ce territoire que les Wisigoths ont réussi à garder en Gaule. Le roi est Amalaric, petit-fils de Théodoric le Grand, roi de Septimanie et d'Hispanie. Théodoric exerce la tutelle jusqu'en 526, avant de la confier au gouverneur Theudis. Amalaric est un roi débauché, battant sa femme Clotilde, fille de Clovis, et peu de temps avant sa mort en 531, se livrant à une campagne de conversion forcée à l'arianisme dans les terres qu'il a récupérées aux Francs par mariage. Il meurt à 18 ans, assassiné par ses serviteurs rapprochés dans un tripot sordide de Barcelone. Amalassonte, sa mère, sera jugée responsable de cette fin pitoyable en raison de son refus obstiné d'éduquer son fils à la façon germanique, c'est-à-dire avec des punitions corporelles. Les actes du concile précisent que l'assemblée se tient alors que Decius est consul. De quel consul s'agit-il? Et de quelle région est-il le consul? Difficile à savoir. Il est probable que la Septimanie soit gouvernée par un consul représentant le roi, mais rien ne permet de confirmer cette thèse. En tout cas, il existe un prélat du prétoire, grade administratif hérité de l'Empire romain, et qui, à l'époque des Ostrogoths, a retrouvé sa fonction militaire. En effet, Liberius, donc le préfet du prétoire Liberius, explicitement cité dans les actes, s'est battu contre les Burgondes en 526 en tant qu'officier supérieur dans les armées wisigothiques. Ce même Liberius souhaite construire une basilique à Orange et la consacrer. Cet événement crée l'occasion du nouveau concile. Donc c'est à la base pour simplement consacrer une basilique à Orange. Toutefois, la situation est exceptionnelle. Bon, donc la consécration de la basilique n'est qu'un prétexte. En effet, le précédent concile, celui de Carpentras, avait bien prévu un concile pour 528 à Vaison. Mais ce concile n'a pas eu lieu. Il est remplacé par celui d'Orange en 529. D'autre part, le sujet abordé n'est pas d'ordre pastoral, mais dogmatique. Une lettre de l'évêque d'Arles, Césaire, évoque des dissensions dans le clergé, de conceptions erronées, de personnes qui pensent faussement. À quelle occasion sont apparues ces dissensions? Sûrement dans les discours de couloir à chaque concile. Césaire n'est pas dans son premier concile. Lors de ses grands rassemblements, les discussions en groupe de travail restreint, où la parole est plus libre, car moins exposée, laissent émerger des clivages importants. On sait que le pélagianisme et le semi-pélagianisme trouvent un écho favorable chez les moines et les abbés. L'augustinisme, plus austère, rencontre un accueil favorable chez les évêques et l'église diocésaine en général. Il est temps d'y mettre un ordre. Pourtant, le pélagianisme a déjà plusieurs fois été condamné officiellement par les papes, par Augustin d'Hippone, quand il était évêque de Carthage, et par les épigrammes de Prosper d'Aquitaine, le propagateur le plus zélé de la théologie augustinienne. Rien n'y fait. Si en ce début du VIe siècle en Gaule, personne n'ose se réclamer du pélagianisme, qui a pour crime de nier le péché originel, il reste de nombreux partisans du semi-pélagianisme. Pour y voir plus clair, il s'agit de définir le pélagianisme et le semi-pélagianisme. Le pélagianisme tient son nom du moine irlandais, d'autres disent égyptien, Pélage, qui a vécu entre 350 et 418, après Jésus-Christ. Homme austère, saint homme pour Augustin d'Hippone, qui le rencontre alors que celui-ci se dirige vers la Palestine en compagnie de son disciple Cœlestius, jeune aristocrate romain. Pélage développe l'idée selon laquelle il est possible d'atteindre la sainteté par ses seuls mérites. L'erreur se situe dans la portée donnée au péché originel. Un polémiste au service du pape, du nom de Paulin, relève sept points litigieux. concernant cette doctrine pélagienne. Premier point, Adam a été créé mortel et serait mort de toute façon, même s'il n'avait pas péché. Deuxième point, le péché d'Adam n'a fait du tort qu'à lui seul et non à toute l'espèce humaine. Troisième point, les enfants à leur naissance sont dans le même état qu'Adam au moment de sa création. Quatrième point, ni la mort ni la chute d'Adam n'ont produit la mort de l'espèce humaine, pas plus que la résurrection du Christ n'a produit la résurrection de tous les hommes. Cinquième point, la loi introduit les hommes dans le royaume des cieux, aussi bien que l'Évangile. Sixième point, même avant la venue du Christ, il y a eu des hommes sans péché. Septième point, les enfants morts sans avoir été baptisés obtiennent la vie éternelle. Cette énumération montre bien que le reproche principal fait à Pélage et à ses disciples est que, en niant le péché originel, il nie aussi l'importance de la résurrection du Christ pour le salut des hommes. En mettant la nature et la grâce, la raison et la foi, le Christ et les hommes au même niveau, il retire toute justification au sacrement et à l'Église. Après la publication du texte de Paulin, les condamnations contre les Pélagiens tombent. Celestus se voit refuser l'ordination sacerdotale. Le pape Sosime écrit une lettre condamnant le pélagianisme et la même année demande à Augustin, évêque de Carthage, de dénoncer en chair cette doctrine. Celui-ci s'exécute, d'abord modérément. Pélage lui a fait une très bonne impression. Mais quand éclate la polémique entre Milan et Carthage, Pélage est loin. À Jérusalem, où il est très bien accueilli par l'église locale. Le monachisme cénobitique très implanté font que les moines ermites de ces régions n'ont aucun mal à se reconnaître dans cette doctrine qui justifie leur jeûne, leur privation et les multiples exercices auxquels ils se plient dans une recherche admirable du salut par le développement de vertus héroïques. Toutefois, tout aurait pu aller pour le mieux si le patriarche de Jérusalem n'abritait pas dans ses murs deux évêques gaulois en exil, celui d'Arles, Eros, et celui d'Aix, Lazare. Loin de leur diocèse, ils ne restent pas moins sensibles aux mises en garde venant de Rome. Une polémique éclate, et en 412, un concile se tient à Jérusalem pour condamner Pélage. Mais le concile accouche d'une souris. Pélage est très mollement condamné. D'ailleurs, il accepte toutes les conclusions du concile. Apprenant l'issue favorable aux thèses pélagiennes du concile de Jérusalem, Augustin d'Hippone, qui, rappelons-le, n'a rien à reprocher personnellement à Pélage, fulmine. Et c'est, inspiré par cette colère, face à ce crime contre la foi commis par les prélats orientaux indignes, qu'Augustin va élaborer une théologie à la base de l'augustinisme et aussi à la source de nombreuses hérésies, comme celle de la prédestination ou du salut par la grâce seule de Luther. Il expose sa thèse au concile de Carthage de 418, où le pélagianisme est fermement dénoncé. Les termes de la condamnation d'Augustin sont si violents qu'on peut se demander si, face à la fatalité du péché originel, dont l'homme ne peut se relever que par la grâce de Dieu, il reste encore une place à la liberté et au libre arbitre. L'homme, après la faute d'Adam, est décrit comme ayant perdu son libre arbitre, incapable de choisir ni de désirer le bien. Les nouveau-nés non baptisés se trouvent en état de damnation. L'humanité est décrite comme une masse corrompue. Enfin, reprenant l'image du père de l'Église latine Tertullien, Augustin souscrit à l'idée que le péché originel est aussi ce vice originel qui se transmet par la génération, ajoutant à la dimension morale du péché originel une dimension biologique que l'Église ne lui avait jusque-là jamais reconnue. On voit se refléter aussi dans ses écrits polémiques les influences manichéennes d'Augustin, pour lesquelles le mal est décrit comme une substance amorale. Il est probable que Pélage, dont le voyage en Orient avait pour but final de s'atteler à une traduction de la Bible à la suite de saint Jérôme, n'ait jamais été mis au courant de sa condamnation par Augustin d'Hippone. Il est probablement mort dans une communauté religieuse, certains disent devant les murs de Jérusalem, d'autres disent en Égypte. Célestin, Célestus, son disciple, malgré ses nombreux soutiens dans l'aristocratie romaine dont il est issu, est finalement excommunié. Il est passé dans la postérité comme celui qui a mis par écrit les thèses pélagiennes en y ajoutant son souci personnel très prononcé de justice. En 418, donc, la polémique est censée être finie par le concile de Carthage. Mais rapidement, la révolte gronde contre les thèses augustiniennes qui rendent vains tous les efforts personnels pour atteindre la sainteté. Et cette révolte prend naissance, sans surprise, dans les monastères, d'abord en Égypte, puis en Gaule, à Marseille, où elle trouve ses plus fervents défenseurs, dans l'abbaye de Lérins. Il en sort de nouvelles théologies. Il en sort une nouvelle théologie qui remet en cause celle d'Augustin. Dans son livre Collatio, le moine Vincent de Lérins soulève notamment deux objections à la thèse de l'évêque de Carthage. Le péché n'est pas la cause d'une corruption complète de l'homme, mais seulement d'une corruption partielle. La nature morale de l'homme n'est qu'affaiblie, elle ne disparaît pas. Deux, l'homme reste libre, ainsi il peut de son propre mouvement commencer le bien. Mais c'est pour persévérer dans le bien qu'il a besoin de la grâce. Les publications des œuvres des semi-pélagiens entraînent une levée de boucliers des autoproclamés défenseurs de la foi droite, une nouvelle condamnation du pape et un ouvrage fleuve de Prosper d'Aquitaine, le zélé propagateur de l'augustinisme, à travers ses épigrammes tirées des sermons et autres écrits de l'évêque de Carthage. Cela ne fait rien. Le semi-pélagianisme s'ancre durablement en Provence, au point que Marseillais devient une insulte pour les anti-pélagiens. De façon très schématique, on peut dire que deux mondes s'affrontent, les augustiniens et les semi-pélagiens. L'église diocésaine et celle des monastères. Le sud hellénisé, proche de l'église d'Orient, et le reste de la Gaule rangé à l'opinion du pape. Le concile d'Orange intervient à ce moment intense, d'intense confrontation théologique, à une époque où l'Église tente de s'imposer comme une puissance rivale des rois en concentrant de plus en plus de pouvoir au profit des évêques. Césaire d'Arles, évêque métropolitain, ancien moine de Lérins, est la personnalité choisie par le pape, peut-être Félix IV, pour tenter de mettre définitivement fin au débat. Le choix ne peut être plus pertinent. Brillant intellectuel, il ne se laissera pas enfermer dans le dualisme augustinisme-semi-pélagianisme. S'il s'appuie sur saint Augustin et Prosper d'Aquitaine pour réfuter les thèses semi-pélagiennes, il les cite sans les nommer. Au contraire, il insiste sur le fait qu'il ne s'est appuyé que sur la tradition patristique et ne manquera pas, dans un échange épistolaire ajouté aux actes du Concile, de condamner fermement la croyance dans la prédestination qui avait commencé à prendre naissance parmi les partisans des thèses augustiniennes. Nous ne croyons pas que certains soient prédestinés au mal par la puissance divine. S'il se trouve des personnes pour croire à pareille malédiction, ils sont anathèmes. Dans les 25 canons, le Concile va d'abord consacrer les deux premiers d'entre eux à réfuter la portée que les semi-pélagiens donnent au péché originel. 1. Il est faux de penser que le péché originel a tué le corps sans tuer l'âme. Au contraire, il tue le corps et l'âme. Être vaincu par quelqu'un, c'est devenir son esclave, ajoute l'auteur en citant la Bible. 2. Il est faux de penser que le péché originel n'a nui qu'à Adam et non à sa descendance, car, citation, par un seul homme, le péché et la mort ont été transmis à tous les hommes. C'est une citation de saint Paul. Les dispositions suivantes, toutes tirées de Prosper d'Aquitaine, comme les deux premières, précisent la portée de la grâce. 3. Il est faux de penser qu'on n'a pas besoin de la grâce pour demander la grâce, car il est dit « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchent pas ». C'est toujours la Bible. 4. Il est faux de penser que la volonté ne vient pas de Dieu, mais de la nature, car, citation, c'est Dieu qui opère et le vouloir et le faire. 5. Il est faux de dire que l'attrait pour la foi n'est pas le fruit de la grâce, mais seul l'accroissement est permis par la grâce, car il n'y a pas, citation, de foi à l'état naturel, à moins de considérer les hommes étrangers à l'Église du Christ comme des fidèles. 6. Il est faux de penser que la miséricorde est accordée en fonction de nos mérites, car les mérites eux-mêmes viennent de la grâce. Citation, qu'as-tu que tu n'aies reçu? 7. On ne peut pas, par la seule force de la nature, concevoir un bien qui se rapporte au salut éternel comme il faut, puisqu'il est dit, citation, sans moi, vous ne pouvez rien faire. 8. Il n'est pas permis de distinguer entre les hommes qui arrivent à la foi du baptême par la grâce de la miséricorde, quand d'autres y arrivent par leur seul libre arbitre, car cela laisse supposer que certains n'ont plus de libre arbitre quand d'autres en ont encore. Or, citation, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'appelle. Les canons suivants sont inspirés de saint Augustin. 9. Chaque fois que nous faisons le bien, Dieu agit en nous et avec nous. 10. L'aide de Dieu doit toujours être implorée, même par ceux qui sont nés à nouveau grâce au baptême. 11. On ne peut faire de vœux que sur ce que l'on a reçu de lui. 12. Comment Dieu nous aime ? Alors, c'est sur la question « Comment Dieu nous aime ?» tel que nous deviendrons par un don à lui et non pas tel que nous sommes par notre propre mérite. 13. De la restauration du libre arbitre. Alors, relativement à la restauration du libre arbitre, le libre arbitre affaibli dans le premier homme ne peut être rétabli que par la grâce du baptême. 14. La grâce de la miséricorde est prévenante. 15. La grâce de Dieu change en mieux ce que le péché originel a changé en pire. 16. Posséder sans posséder pour ne pas se glorifier dans ses richesses. 17. De la force chrétienne. La charité est présente dans le cœur du chrétien, non par le libre arbitre, mais par l'Esprit Saint. 18. Que la grâce nous est donnée en l'absence de tout mérite. 19. Que personne n'est sauvé si ce n'est par la miséricorde de Dieu. 20. Que personne ne peut rien faire de bien sans Dieu. 21. Sur la nature de la grâce, donc à peu près le cœur du sujet, puisque c'est à peu près c'est le cœur en fait de la polypique, la grâce et le libre arbitre. Vouloir être justifié par la loi empêche l'œuvre de la grâce. Ça, on reprend saint Paul. 22. Ce qui est le propre de l'homme. Personne n'a de son propre fond que le mensonge et le péché. Donc ça, c'est le côté assez pessimiste, assez noir, en réalité, de la vision de l'homme de saint Augustin, et qui fera un peu le lit de beaucoup d'hérésies au sein des partisans de l'augustinisme. 23. De la volonté de Dieu et de l'homme. Les hommes font leur volonté lorsqu'ils font ce qui déplaît à Dieu. Ils font la volonté de Dieu quand ils font dans l'intention de servir le bien. 24. Des sarments de la vigne. Les sarments sont unis au cep sans rien lui apporter, mais reçoivent de lui de quoi vivre. Il faut vivre ainsi dans le Christ. Donc voilà, c'est une sorte d'appel à l'humilité aussi, savoir que on ne peut rien sans le Christ et qu'on doit tout à lui, et qu'en fait on ne pourra jamais lui rendre complètement ce qu'il nous a donné, puisqu'il sera toujours en été celui qui nous a précédés en tout. Enfin, le 25e canon, de l'amour dont nous aimons Dieu. C'est un don de Dieu que d'aimer Dieu. Il a donné qu'on l'aime, lui qui aime sans être aimé. Donc, finalement, nous sommes entièrement soumis à sa grâce et nous ne pouvons être sauvés que par sa grâce. On voit se dessiner derrière l'exposé de ces motifs le sacrifice du Christ en croix aussi, signe de l'amour inconditionnel et total de Dieu pour les hommes indignes de le recevoir et pourtant appelés à en vivre. Un argument qui va peut-être favoriser d'ailleurs une approche doloriste de la foi qui caractérise l'Église d'Occident par rapport à l'Église d'Orient. Mais c'est aussi une conception beaucoup plus radicale, théologique et verticale que celle d'Augustin, ou celle des semi-pélagiens, où la différence entre l'homme et Dieu n'est pas une différence de degré, mais de nature, où tout l'homme, âme, corps, esprit, jusqu'à ses œuvres, est assumé en Dieu. Merci et à bientôt.